Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce journal. Voici tout de suite les titres. Certains hommes politiques ont des inquiétudes avec le dépôt des candidatures pour la commission électorale provinciale indépendante et celle communale, alors que la loi communale n'a pas encore été votée. Ces partis politiques disent qu'ils ne savent pas sur quoi se baser. C'était au cours d'une réunion avec la commission électorale nationale indépendante ce vendredi. La Sosumo n'a pas de défi lié au manque d'électricité comme dans d'autres entreprises. Elle indique qu'elle utilise l'énergie thermique transformée à base des restes des cannes à sucre. Et 40 compteurs d'eau ont été volés dans différents ménages de la ville de Gitega dans les 4 derniers mois. 3 personnes soupçonnées ont déjà été arrêtées. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabilé, Akimana François sur la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Certains hommes politiques ont des inquiétudes selon quoi le processus électoral va bientôt commencer avec le dépôt des candidatures pour les CEPI et les CECI alors que la loi communale n'a pas encore été votée. Selon eux, les partis politiques ne sauront pas sur quoi se baser pour présenter leurs candidats. Au cours d'une réunion avec la commission électorale nationale indépendante ce vendredi, le président de cette commission a indiqué que cela n'est pas une entrave, que le nouveau découpage est déjà connu et demande aux partis politiques de s'y référer. Sheila Ilambona. Au cours de cette réunion avec les acteurs électoraux, le président de la CENI a indiqué qu'à partir du 3 au 7 juin 2024, la commission électorale indépendante va commencer à recevoir les dossiers de ceux qui vont faire partie des CEPI et des CECI et de demander aux partis politiques de s'apprêter pour cet effet. Après cette annonce, certains parmi les hommes politiques ont montré quelques réserves car selon eux, le processus électoral va être enclenché alors que la loi communale n'a pas encore été mise en place. Ils ont indiqué que cela va être un frein pour eux lors de la confection des listes pour la CEPI et la CECI. À cela, le président de la CENI leur répond qu'ils vont se conformer sur le nouveau découpage administratif. L'autre point soulevé est que ceux qui vont être responsables des CEPI risquent d'avoir une lourde tâche vu l'étendue du territoire à couvrir. À cela, le président de la CENI a indiqué que les responsables sont appelés à faire un peu d'effort. Vous saurez qu'au cours de cette réunion, le président de la CENI a affirmé que la non-signature des procès-verbaux des bureaux de vote ne va pas invalider les résultats. Merci, Sheila. Parlons sécurité. 2 personnes ont été grièvement blessées au cours des échauffourées qui ont éclaté ce vendredi entre 2 parties en conflit foncier à Kagwema, commune Gihanga de la province Bubanza. L'un a été blessé par balle et l'autre par machette. L'administrateur de Gihanga indique qu'il s'agit d'un conflit déjà tranché par la justice et demande à ces 2 parties de respecter la mesure prise. Spes Caritas Kabanyana. C'est une bagarre qui a éclaté ce vendredi entre la famille Ebijoujouté, représentée par Libuzumam et Christophe, qui réclame un terrain qu'elle a gagné en justice. Comme le précise cette famille, le même terrain, plus de 100 hectares, est également réclamé par les habitants de Kagwema, qui se comptent à plus de 250 personnes qui disent qu'elles ont exploité ces propriétés pendant une trentaine d'années et qui crient à l'expropriation. Ce vendredi, la famille Rivuzungami Christophe s'est rendue sur terrain et une bagarre a éclaté entre elle et les cultivateurs qui étaient sur les lieux. Les forces de l'ordre sont vite intervenues. 2 personnes ont été grièvement blessées, l'une par balle tirée par un policier, selon les témoins sur place, l'autre part machette. Léopold Ndayisaba, administrateur de la commune de Gihanga, explique que le procès est déjà tranché en justice, mais ses habitants et de Kagwema ont refusé la mesure prise. Il demande à la population de respecter les mesures prises par la justice. Spes Caritas Kabanyana à Kagwema pour la radio Isanganiro. Merci Spes. Et à Gitega, environ 40 compteurs d'eau ont été volés dans différents ménages de la ville de Gitega dans les 4 derniers mois. Ces chiffres ont été inventoriés par la régie des antennes Gitega. Ils font savoir que 3 personnes soupçonnées de ce vol ont été arrêtées, de même qu'une autre soupçonnée de les acheter. Les habitants dont les compteurs ont été volés se réjouissent de leur arrestation et demandent que justice soit faite. Ils réclament le remboursement du montant utilisé pour le remplacement de leurs compteurs volés. Gérard Nibigila. Les informations provenant de la régie des eaux Gitega font savoir que plus de 40 compteurs d'eau ont été volés dans les ménages des différents quartiers de la ville de Gitega, et cela pendant les 4 derniers mois. Là, plus d'un se posait la question de savoir la finalité de ces compteurs. Certains pensaient qu'ils contiendraient un métal et qui servirait de fabrication des chaînettes et bagues, et que ce sont les détenus de la prison centrale de Gitega qui les fabriquaient. Néanmoins, depuis quelques jours, 3 personnes soupçonnées d'effectuer le vol des compteurs d'eau sont sous les verrous. Une 3e personne incarcérée pour ce dossier est un commerçant du marché central de Gitega, de la partie de son marché appelé Djabé. Il est soupçonné d'acheter les compteurs d'eau volés. Les habitants de la ville de Gitega se réjouissent de l'arrestation de ces personnes et demandent à la justice de faire correctement son travail afin que les coupables soient punis conformément à la loi. Ils demandent en outre qu'une fois rendus coupables, ces 4 personnes expliquent bel et bien l'issue des compteurs d'eau volés. En plus, ils demande que ces 4 personnes, une fois rendues coupables, remboursent aux gens dont les compteurs d'eau ont été volés tout le montant qu'ils ont débloqué pour se procurer d'autres compteurs. Vous saurez que quelqu'un qui se fait voler un compteur d'eau cherche l'attestation de vol à la police moyenne un paiement de 3000 francs à l'OBR. C'est donc ce document qu'il présente à la régie des eaux pour obtention d'un autre compteur d'eau et paie plus de 170 000 francs. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Il est 18h passées de 7 minutes dans nos studios. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales et en ligne. C'est sur www.isanganiro.org. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, je vous l'avais dit dans les titres, la société sucrière du Mosso Sosumo n'a pas de défi lié au manque de l'électricité comme dans d'autres entreprises. Cette dernière utilise l'énergie thermique transformée à base des restes des cannes à sucre. Explication de Juvenal Nzangomba, chef de service entretien et réparation au sein de la Sosumo, en ce moment où les préparatifs pour la campagne qui commencera avec le début du mois de juin prochain. Ce technicien assure qu'une fois l'usine étendue, la Sosumo aura la capacité de produire de l'électricité qui pourra alimenter tous les environs de celle-ci. Écoute, on l'écoute. La production d'énergie électrique, ce n'est pas un problème pour la Sosumo, parce que la conception elle-même de cette usine est liée à la cogénération. La cogénération qui veut dire la production de leur énergie à partir de la biomasse. En effet, la production d'énergie électrique est basée sur le résidu de la canne à sucre qu'on appelle bagasse. Après l'extraction du jus, il y a ce qu'on appelle la bagasse, qui est le résidu de la canne à sucre, qui a un pouvoir calorifique très élevé. Cette bagasse est utilisée au niveau des chaudières comme combustible, permettant de monter la température de l'eau jusqu'à ce que cette eau change d'état, passant de l'état liquide à l'état gaz. Alors, on obtient de la vapeur qui était surchauffée jusqu'à une pression très élevée de 28 bars et 380 degrés Celsius. À ce moment, nous produisons 25 tonnes de vapeur par heure et puis nous envoyons cette vapeur pour tourner les machines au niveau des moulins et aussi nous envoyons à la vapeur au niveau des turbines alternateurs. Alors, il y a une transformation d'énergie thermique en énergie cinétique et de dernière cinétique en énergie électrique. Et cette énergie électrique qui équivaut à peu près à 2 MW. Et 2 MW sont distribués au niveau des tableaux de distribution. Et puis, l'électricité consommée au niveau des bureaux, au niveau des quartiers, au niveau de toutes les usines, est produite par la Sosumo. Donc, la question d'énergie ne se pose pas. Les usagers de la route nationale numéro 3, tronçon le Mwenge-Nyanzalak, se réjouissent des travaux de réhabilitation en cours du pont sur la rivière Gitotwe à Karonda. Ses habitants ainsi que l'administration locale disent qu'ils avaient des difficultés de déplacement à chaque coupure de cette route. Ils demandent qu'il y ait un suivi rigoureux. Jean-Pierre Misako. Les usagers de cette route rencontrés sur place ne cachent pas leur satisfaction. Ils disent qu'ils avaient de la peine à faire franchir les bagages en cas de coupure de la route nationale numéro 3 à ce niveau. Rivenda Gizimana, chef culinaire de Gachacha, dite Karonda, s'en réjouit elle aussi au regard des difficultés des usagers de cette route et de l'administration locale qui devrait s'investir afin d'assurer la sécurité des passagers et de leurs biens, des passagers qui des fois étaient obligés d'y passer la nuit à la Belle Étoile en cas de coupure de la déviation de cette route au niveau de cette rivière. Ceux qui se sont exprimés voudraient une œuvre solide, bien soutenue, apte de résister aux crues quelquefois catastrophiques de cette rivière. Les informations obtenues de l'agence routière du Burundi, maître d'ouvrage et délégué du gouvernement burundais dans ce projet, indiquent que la réhabilitation de ce pont exécuté par l'entreprise chinoise Chico, ayant gagné le marché de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Rumonge-Nyanzalac, a débuté le 6 mai 2024 pour prendre fin le 24 mai 2024, mais que les véhicules continueront à passer par la déviation pendant un certain temps. Jean-Pierre Misago, depuis les rives de la rivière Gitotwe, Radio Isanganiro. Et pour boucler cette édition, sur à peu près 650 femmes enceintes qui ont participé à la première phase vaccinale dans le district sanitaire de Changuzhou, seules 196 ont pu arriver à la dernière étape de la vaccination. Au niveau de la supervision du district sanitaire de Changuzhou, ils indiquent qu'ils ont constaté une tendance à l'abandon de cette dernière. Cela a poussé le réseau des confessions religieuses pour la promotion au Burundi à passer 3 jours à Changuzhou de mercredi à vendredi pour analyser les barrières qui empêchent la population de Changuzhou de participer à la vaccination effective. Raymond Moudende pour plus de détails. Sur 650 femmes enceintes qui ont participé à la première phase de la vaccination dans le district sanitaire de Changuzhou, seules 196 femmes se sont fait vacciner lors de la dernière étape de la vaccination en 2024. Des sources provenant de la supervision dans le district sanitaire de la province de Changuzhou indiquent qu'on observe la tendance à l'abandon aux différentes vaccinations, tant pour les femmes que pour les enfants, d'autant plus que 8103 enfants qui ont débuté la vaccination, seuls 7679 sont arrivés à la fin en 2024, alors que l'effectif du début de la vaccination devrait être le même à la fin de la vaccination, indique toujours la même source. C'est cette situation qui a motivé le réseau des confessions religieuses pour la promotion de la santé au Burundi à venir à Changuzhou pour une séance de sensibilisation de la population. Durant 3 jours, de mercredi à vendredi de cette semaine écoulée, au chef-lieu de la province Changuzhou, des couples modèles ont été formés sur les barrières qui empêchent l'accès aux soins de santé primaire et à la vaccination dans cette province de Changuzhou. Deo Harugira, délégué de ce réseau interrogé, dit que parmi les barrières qui empêchent l'accès aux soins de santé, il y a le manque d'informations, les rumeurs et la croyance aux féticheurs. En province Changuzhou, il affirme que les couples modérés formés vont éclairer la communauté pour le changement de la mentalité à Changuzhou. Et ces couples formés sont venus des communes Kigamba et Changuzhou et viennent des confessions religieuses catholiques, protestantes, musulmanes de ces mêmes communes. Depuis Changuzhou, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond. Et c'est sur cet élément que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Akimana François a assuré la mise en onde. Doré Bingabi, j'étais à la présentation. Tout de suite, c'est la revue de la presse. Jean de Dieu, il a causé, me rejoint en studio. De la presse. Bonjour ou bonsoir. La vie chère, de plus en plus chère, titre l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu en une de sa parution de cette semaine. En effet, note ce confrère d'Iwachu, l'inflation atteint des proportions élevées. Le cas du sel, un produit qui varie très rarement et sur toutes les lèvres, souligne cet hebdomadaire. Selon les commerçants qui se sont entretenus avec Iwachu, un kilo est vendu à 2000 francs burundais alors qu'il était à 1200 il y a un mois. Une situation qui étonne les commerçants et les consommateurs, souligne ce journal. Entre l'augmentation des prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité et des services essentiels, le pouvoir d'achat des ménages est mis à rude épreuve, regrette notre confrère. À l'occasion de la fête des travailleurs, le 1er mai 2012, le chef de l'État d'alors a annoncé la veille d'un train de mesures destinées à lutter contre la vie chère et qui devrait entraîner de fortes baisses des prix, rappelle ce journal. Concrètement, des taxes allaient être suspendues sur 13 produits de base. Les principaux syndicats du pays, qui avaient appelé à saisir l'occasion pour manifester contre l'acharnement de la vie, ainsi que la société civile, ont apprécié les annonce du pouvoir. Aujourd'hui, de telles mesures permettraient de soulager la population et diminuerait les tensions sociales, conclut l'éditorialiste d'Iwachu. Et l'éditorialiste de l'hebdomadaire socio-économique Bondi Eco revient sur des initiatives à faible portée pour faire allusion aux différentes assises de développement économique qui sont organisées. En effet, ce confrère indique que la crise économique perdure malgré les multiples signaux de relance économique. Il souligne que le pays n'a pas assez de devises pour couvrir ses importations et que par effet de contagion, les produits importés plongent le pays dans une spirale inflationniste. Ce confrère poursuit que l'inflation affiche une tendance baissière depuis le début de l'année et que le taux d'inflation aurait diminué de 5 points, passant de 17,2% à 12% entre janvier et avril 2012, selon les données officielles. Cependant, cette baisse n'est pas ressentie chez les consommateurs qui assistent à la flambée des prix des denrées alimentaires, déplore-t-il. Il fait savoir que la situation économique se présente ainsi, alors que plusieurs assises de développement économique ont été organisées avec des recommandations très pertinentes. Pour ce confrère, le mieux serait de traduire les paroles en actes tout en visant des résultats sur le court terme. Revue de la presse. Le journaliste d'Akeza Net, enfin libre, rapporte Net Press. En effet, souligne Net Press, le journaliste Ahmadi Rajabou a été libéré depuis ce 16 mai vers 17h, une information confirmée par son organe de presse. Tout ce qui avait été confisqué lui a été remis, précise Net Press. Le confrère Ahmadi Rajabou, poursuit Net Press, était détenu dans les cachots du service secret burundais depuis le 10 mai. Il était accusé d'avoir pris des images du marché de Luvumera dans la zone de Wuyenzi de la commune urbaine de Mukaza, qui venait de prendre feu, mais qui a été éteint dans l'immédiateté. Coïncidence ou pas, il vient d'être libéré au moment où le Burundi se trouve dans une ambiance de dépénalisation des délits de presse, conclut ce quotidien d'information en ligne Net Press. L'implantation d'une usine de carreaux en marbre à Makebuko fait des dommages aux populations environnantes, apporte l'agence burundaise de presse. Selon cette agence, il s'agit des populations de la colline Mwalongundu, dont la zone est commune Makebuko en province de Gitega, qui se plaignent des activités d'implantation d'une usine de fabrication des carreaux en marbre East African Drilling and Granite. Cette dernière a indiqué à la BP que le dynamitage des roches constituant la matière première de l'usine occasionne l'explosion des projectiles qui tombent sur des toitures des maisons d'habitation proches y occasionnant des dégâts. Une de multiples victimes a indiqué dans les colonnes de ce quotidien d'information que les membres de sa famille ont eu domicile ailleurs du fait que sa maison est devenue inhabitable suite à sa toiture parsemée de trous béants ayant conduit à l'écroulement d'un mur suite aux eaux qui s'infiltrent. Le directeur général de cette société, joint par téléphone par notre confrère, a déclaré qu'une fois les travaux d'implantation terminés, les indemnités comptant pour le dédommagement seront versées. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean de Dieu Irakoze en collaboration avec Doré Bingavili. À la prochaine. Revue de la presse.